Et puis maintenant, on vous propose de retrouver Doris et Vincent de Roguin pour l'actualité littéraire du festival Archipel. Exactement. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien. Bonjour Vincent. Bonjour Doris. Alors aujourd'hui, vous nous présentez un livre qui s'appelle « Les pianos ne poussent pas sur les arbres ». Oui, alors c'est un livre d'un artiste américain qui s'appelle Max Neuhaus, qui est décédé en 2005 ou 2006, je crois, et qui est né pas mal de temps avant, je pense dans les années 20, ou peut-être dans les années 30. Et il est connu pour être un percussionniste à la base, qui a pas mal travaillé dans les années 60 autour des grandes figures de la musique d'avant-garde de l'époque. Il a travaillé avec Stockhausen, avec Boulez, avec beaucoup de gens de ce calibre. Et au début des années 70, il a changé complètement de voix et il a commencé à créer des, ce qui s'est appelé par la suite, des installations sonores. Et c'est même lui qui est le principal, qui est vraiment le pionnier des installations sonores, au point où c'est lui qui a un peu inventé ce terme. Et est-ce que tu vois ce que c'est, les installations sonores ? C'est dans une salle, tu mets plusieurs amplis et des baffles, des trucs comme ça ? Alors oui, d'une certaine manière, c'est ça. Mais plus spécifiquement, l'installation sonore, c'est de penser une œuvre artistique sous l'idée où le son devient la matière même de l'œuvre. Et chez Neuhaus, ça se traduit par des œuvres qui sont soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, notamment dans l'espace public. Et il a fait ça dans des parcs, il a fait ça dans des villes. Une de ses œuvres très connues, elle se situe à Times Square, à New York. Et c'est une œuvre qui est très, très, très, très subtile, dans le sens où on marche dans la rue et sous une grille d'aération, à Times Square, il y a un léger bourdonnement qui vient un peu compléter l'environnement sonore du lieu. C'est comme une sorte de léger ajout qui, si on veut, qui rend un peu plus poétique le moment et qui change le rapport à l'écoute. Il avait un rapport particulier avec la nature parce qu'il parle des arbres et sur la couverture, il y a quand même des plantes avec leurs noms et des gravures. Alors ça, c'est un truc très intéressant, c'est qu'effectivement, il avait un lien très fort avec les environnements naturels, le vivant, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup pensé la question du bruit en ville et qui était très fortement engagé dans une réflexion sur comment vivre avec les sons urbains, mais que ça soit pas naïf, que ça soit pas quelque chose où on dit « Ah, les sons de la nature sont plus beaux que les sons des voitures, par exemple. » Lui, il cherchait à faire en sorte qu'on réfléchisse simplement davantage à notre écoute, sans jugement, sans se dire « Ah, bon, le son d'une voiture qui nous embête, il est forcément plus négatif que le bruit de la brise dans les arbres, par exemple. » Et alors, il y a plusieurs parties dans ce livre. Il y a énormément de dialogues. Alors, toi, tu as vu des dialogues ? Ah oui, c'est des interviews, c'est ça. Il y a beaucoup d'interviews. C'est une compilation de quasiment toutes les sources qui existaient, que ce soit des interviews ou des essais que lui, il a écrits et qui ont été traduites en français, il y a quelques années par une équipe basés en France, qui ont traduit tous ces textes. Et du coup, ils ont compilé énormément d'interviews qu'il a données des années 70 jusqu'aux années 2000 et qui explicitent un peu sa pensée et ses conceptions de l'art et ses conceptions de la vie. Et c'est un livre qui est intéressant parce qu'aussi, on voit aussi l'évolution de ses idées et l'évolution de sa pensée. Ça commence à un endroit avec des questions spécifiques dans les années 70 autour de bah voilà, le bruit en milieu urbain, par exemple, jusque dans les années 2000, où il est devenu un peu plus célèbre et il est devenu une personne qui se confrontait à des problèmes avec les institutions, avec les musées, par exemple. Comment, lorsqu'un musée t'engage pour faire une œuvre, tu peut passer outre certaines demandes et essayer de faire passer certaines idées tout en négociant un peu avec la dimension commerciale aussi d'une œuvre, enfin d'un parcours artistique. Et ce qui est intéressant chez Neuhaus, c'est par exemple que pendant longtemps, il a milité pour que ses pièces soient anonymes, qu'il n'y ait pas de petits cartels à côté de l'œuvre qui disent son nom ou le nom de l'œuvre. Pour lui, il trouvait extrêmement joli qu'on ne sache pas que c'est une œuvre d'art. Tu vois, au fait où les gens, le public peut potentiellement faire l'expérience de l'œuvre en se disant « Ah, mais c'est génial, en fait, ce lieu a quelque chose de magique », mais il n'arrive pas à faire la connexion avec l'idée qu'il y a une œuvre d'art dans l'espace. Il y a des photographies et des dessins. C'est un gros livre. Hein. Ouais. Il y a pas mal de dessins parce que Neuhaus aussi, il complétait souvent ses installations sonores avec une partie illustrative. Et ces œuvres-là, elles ne sont pas forcément exposées. Elles étaient souvent données aux institutions ou données aux musées qui commandaient une œuvre. Donc lui proposait par exemple à Genève, il y a une œuvre de Max Neuhaus qui est à la maison, qui est à la promenade du Pin. Et l'institution qui a commandé l'œuvre, qui était le Fonds cantonal d'art contemporain, ils ont, dans leur collection, ils ont quelques dessins qui sont liés à l'œuvre, mais qui existent juste dans leur collection et qui sont pas, qu'on ne peut pas voir. Mais c'est des illustrations qui complètent, si tu veux, un peu son travail d'artiste sonore. Il faisait quand même du visuel. Et il écrivait quelques petits poèmes, quelques mots. C'est très joli en tout cas. Est-ce qu'il joue au piano? Parce que quand même le titre c'est « Les pianos ne poussent pas sur les arbres ». Ben, je ne sais pas d'où est tirée la citation, de quelle partie du bouquin est tirée la citation, mais il était surtout connu comme percussionniste. Lui, c'était vraiment son travail et il a peut-être appris le piano quand il était enfant, mais ça, j'en sais pas plus. Merci Vincent. Merci Doris. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien. Et en addition à cette petite discussion, on va vous diffuser un enregistrement en fait, de l'installation de Max Neuhaus ici à Genève, à la promenade du Pin, in situ. Bien entendu, une archive d'une installation sonore, c'est toujours quelque chose d'assez spécial. En réalité, évidemment, il faut s'y rendre et bouger à l'intérieur de celle-ci, entrer, sortir dans cette espèce de dôme de son que crée l'installation et qui met en rapport le bruit urbain, le bois et la provenance mystérieuse du son, puisqu'ici, elle est expliquée évidemment par l'enregistrement et par la situation, mais quand on passe, comme disait Vincent, c'est quelque chose d'assez étrange et subtil. Voilà. C'est, comme tu dis, c'est un dôme, ça se crée vraiment en structure, en architecture sonore. Moi, je suis toujours bluffé quand je vais vivre cette expérience à la promenade des Pins. Parce que techniquement, c'est deux trous par terre. Et il y a une qualité sonore. Parce que là, on l'entend dans l'enregistrement. Mais en réalité, c'est vraiment c'est une qualité comme en studio. Et on est en pleine ville. C'est extrêmement simple. C'est un système très simple. Et en même temps, hyper riche et pur, en lien avec ce bruit urbain et cette trouble de l'espace, en fait.